Je me présente rapidement. Je m'appelle Ismaël Awad, je suis franco-égyptien. Et je travaille comme topographe au Centre d'études Alexandrine et doctorant à l'Université de Lyon 2 également. Cette présentation est une partie de mon magistère qui est équivalent à 5 ans d'études après la licence en France, que j'ai soutenu à l'Université d'Alexandrie en 2011. Mais avec quelques mises à jour, beaucoup de choses ont évolué pendant ces 4 dernières années dans la région du lac Mariotte. Le lac Mariotte est localisé au sud d'Alexandrie, à l'ouest du delta du Nil. Aujourd'hui, le lac est d'une longueur de 70 km et d'une largeur maximale de 11 km dans sa partie orientale. Les parties du lac de l'est vers l'ouest actuellement et la ferme piscicole qui était l'ancien aéroport destiné aux hydravions à Alexandrie, transformé en ferme piscicole dans les années 70. Le bassin principal, divisé en plusieurs bassins, devenu centre de rejet des eaux usées, dont le niveau est maintenu par le ministère de l'Agriculture. Les salines, première zone de salines établie vers les années 30. Une deuxième zone de salines établie au début des années 90. Et la vallée du Mariotte, d'une longueur de 45 km, divisée en plusieurs bassins, connue pour ses fermes piscicoles, surtout à l'est et tout le long de sa rive sud. Au niveau des illustrations du lac Mariotte, les plus anciens sont reportoriés, datent du XVIe siècle. Elles présentent le lac Mariotte par différentes formes, connexion avec le Nil ou avec la mer Méditerranée. Même dans les illustrations du XVIIIe siècle, la figuration du lac est assez variée pour des dates rapprochées d'édition. La première carte topographique trouvée qui représente le lac date du temps de l'expédition française en Égypte en 1798 à 1801, ce qui nous a permis d'étudier l'évolution du lac Mariotte à travers le temps, en digitalisant les limites du lac dans toutes les séries de cartes disponibles, jusqu'à la dernière image satellite SPOT utilisée qui date de 2011. Le résultat de cette digitalisation est que le lac était d'une surface de 977 km² en 1801 et a réduit à 180 km² en 2011. Équivalent à 18% de sa surface en 2 siècles seulement. L'acquisition et analyse des données. Cette étude est basée sur 3 séries de cartes de 1940, 1970, 1990, plus une image satellite QuickBird obtenue de Google Earth en 2005. La première série de cartes trouvées et qui couvre toute la zone d'étude est la série de cartes 1/25e, édité en 1940 par le département de survey et des mines égyptiennes. 13 sur 17 cartes ont pu être obtenues. Les zones sans données ont été complétées par une autre série, 1/100e, édition des années 1930. La série a été géoreférencée, digitalisée sur AutoCAD, puis transférée dans le logiciel ArcGIS pour l'analyse spatiale. La deuxième série utilisée est celle de la série de cartes 1/25e, éditée en 1970 par l'autorité égyptienne générale de survey. 14 sur 17 cartes ont pu être obtenues et le même processus de la série précédente a été appliqué à cette série. Le géoreférencement, la digitalisation et l'analyse spatiale. La troisième série utilisée est celle de la série des cartes 1/50e, éditée en 1990 par l'autorité égyptienne générale de survey. La série complète a pu être obtenue. Et la dernière série est celle d'une image satellitaire QuickBird, obtenue de Google Earth en enregistrant 1480 prises de vue à la même altitude, de à peu près équivalent à 1825 mètres, 6000 pieds, ce qui produit une image satellite satellitaire d'une résolution de 5 à 10 mètres par pixel. Ces 1480 prises de vue ont été mosaïquées sur Photoshop, géoréférencées dans AutoCAD, puis l'analyse spatiale sur ArcGIS. Ces digitalisations nous ont aidés à étudier l'évolution de l'utilisation du sol pendant la période de 1940 à 2005. La première utilisation du sol est le zoo du lac Mariout même. Le lac était d'une surface de 266 km² en 1940 et diminué pour atteindre presque la moitié en 65 ans seulement. À propos des salines, en 1940, il n'existait qu'un seul bassin pour la production du sel. Sa surface ne dépassait pas 1,2 km². À la fin des années 70, la société El Nasr Saline Company a repris cette zone et sa surface atteignit plus de 33 km² et devient une des zones les plus importantes de la production du sel en Égypte et au Moyen-Orient. Une production qui dépasse les 100 000 tonnes en 2010. Pour les fermes piscicoles, la première ferme piscicole existait vers El Mex, à l'ouest d'Alexandrie, et sa surface ne dépassait qu'un demi-hectare. En 2005, l'image satellitaire nous montre que les fermes piscicoles se sont développées sur l'ensemble du lac Mariout pour atteindre une surface de près de 29 km². La production de poissons annuelle varie d'une année à l'autre à cause des problèmes de la pollution et de changement des niveaux des bassins du lac Mariout. Elle varie entre 6 000 et 7 000 tonnes pendant les 5 dernières années. Les habitations. Il existe 4 types d'habitations dans cette zone. Les habitations non planifiées, surtout dans les anciens villages et anciennes parties des villes, surtout dans la zone est du lac Mariout. Les habitations planifiées, comme dans les villages et les villes modernes, qu'ils ont commencé à être construits à la fin des années 70, comme Borg el-Arab et Gdida. Et troisième type, c'est les maisons des Bédouins faites en calcaire, existent surtout dans la zone ouest et sud-ouest du lac Mariout. Et finalement, les résidences et les villages touristiques dans les parties nord, nord-ouest et sud du lac Mariout. La surface totale de ces habitations en 1940 n'était que 1,6 km² et a été multiplié 35 fois pour atteindre 57 km² en 2005. En 1940, pour les zones industrielles, les usines n'existaient que dans les banlieues de la ville d'Alexandrie et ne couvraient qu'une surface totale de 50 hectares. Mais avec la construction des villes industrielles au sud du lac Mariout, vers Borg el-Arab et Amriya, et au bord de la rive nord-est du lac, cette zone est devenue une des plus importantes zones industrielles de l'Égypte, avec une surface plus de 23 km² en 2005. Les terrains agricoles. La surface totale des terrains agricoles en 1940 était près de 300 km². Elle est devenue presque le double en 2005. Au niveau des voies d'eau, cette zone intéressait les autorités égyptiennes depuis la fin du 19e siècle pour transformer le lac en centre de rejet des eaux usées et de drain pour la région ouest delta. Pour cela, un immense réseau de voies d'eau a été construit depuis l'est et qui se prolonge vers l'ouest. La longueur totale du réseau de voies d'eau en 1940 était de 172 km, concentrée dans sa partie est. En 2005, nous n'avons pu définir que les canaux à une grande et moyenne largeur. À cause de la limitation de la résolution de l'image satellitaire, le total de ces longueurs était équivalent à 5 fois l'état en 1940. Les zones arides, ce sont les zones pas encore exploitées et désertiques ou semi-désertiques. Leur surface était de 646 km² en 1940, ce qui est plus de la moitié de la surface de la zone d'étude, puis réduite petit à petit à cause de l'agriculture et de l'urbanisation pour arriver à la moitié de sa surface en 2005. Au niveau des voies de communication, il existe 4 types de voies de communication dans cette région. Les routes principales, les routes secondaires et les pistes et les chemins de fer dont leur longueur n'a pas changé depuis les années 20. Malheureusement, je n'ai pas pu détecter toutes les pistes de cette zone à partir de l'image satellitaire. C'est pourquoi l'étude de l'évolution sera avec les trois premières séries seulement. En 1990, on découvre que le total de longueur de voies de communication a évolué une fois et demie depuis 1940. D'un point de vue sur l'aspect naturel et patrimonial du lac, je vais aborder quatre points qui illustrent les problèmes majeurs du lac Mariotte actuel. Le premier est le remblement et l'assèchement des parties du lac. Malheureusement, la plupart de ces remblements sont faits par des administrations gouvernementales, soit pour la bonification ou pour l'urbanisation, comme on voit dans cet exemple dans la partie nord du lac Mariotte. On a pu détecter 5 zones menacées dans la région du lac Mariotte, soit des zones déjà en plein processus de remblement, comme le cas des zones 2 et zone 3, ou des zones menacées dénoncées par des procès au tribunal ou par des médias. La surface totale de ces 5 zones menacées par l'assèchement ou par le remblement du lac Mariotte est de 26 km², équivalent à 22% de la surface du lac Mariotte en 2011. Si on prend l'exemple de la zone numéro 2, qui représente la partie nord-est du bassin principal du lac Mariotte, d'une surface de 2,3 km², cette zone a été séparée du bassin principal par la route Mahwar al-Tamir au début des années 90. Depuis cette séparation, la zone est remblée petit à petit pour plusieurs projets. Le centre commercial Carrefour, des résidences, un hôpital militaire, des ateliers et autres établissements gouvernementaux et privés. Après la révolution en Égypte en 2011, cette zone est devenue le centre de décharge officiel du gouvernorat d'Alexandrie. D'après les médias, un grand club connu au Caire, qui s'appelle Wadi Degla, va commencer à construire sa branche d'Alexandrie l'année prochaine sur le reste de la zone non construite. Le deuxième problème majeur de la région est la pollution. Le lac souffre de plusieurs sources de pollution. La pollution de l'eau, concentrée dans le bassin principal à l'est, à cause des rejets agricoles, industriels et domestiques. La pollution de l'air, venant des zones pétrochimiques au centre du lac et des zones industrielles à l'ouest de la région, comme les usines de la production du ciment. Ces différentes sources de pollution ont causé l'accumulation des sédiments et des métaux au fond du lac, comme le fer, le manganèse, le cuivre, le zinc, et autres métaux comme le cadmium, le plomb et le mercure, ceux qui sont les métaux les plus toxiques et dangereux pour l'élevage de poissons du lac Mariotte. Le dernier problème majeur concerne la disparition des roseaux comme Phragmites australis, qui est équivalent à 40% de ces roseaux, et la propagation des plantes aquatiques, surtout Echinacea crispis, ce qui cause la réduction de la production de poissons au lac Mariotte. En ce qui concerne les problèmes liés au site archéologique, la région du lac Mariotte a une histoire riche équivalente à celle de la ville d'Alexandrie, connue pour sa fabrication du vin et de l'huile d'olive, ses ateliers, bains, saquets, villas et ses églises. Cette région contient des dizaines de sites archéologiques importants et enregistrés au ministère des Antiquités égyptiennes, comme les sites Taposéris, Maria et Abou Mina. D'après des prospections réalisées par le membre du Centre d'études Alexandrine pendant la période 2013 à 2015, dans le cadre du projet Géomar, nous avons recensé jusqu'à maintenant 105 sites, dont 13 sites seulement sont enregistrés au ministère des Antiquités égyptiennes. Au sujet des problèmes liés à ces sites, ils souffrent de différents types de menaces. Je vais donner deux types de ces menaces seulement. Un des problèmes essentiels est la mauvaise détermination de la limite des sites de la part du ministère des Antiquités égyptiennes. Par exemple, le cas du site d'Academia. Ce site contient plusieurs structures archéologiques délimitées par des petits murs construits par le service des Antiquités. Dans la partie ouest de ce site, il existe un système hydraulique antique. Le service des Antiquités a déjà fouillé cette zone il y a plusieurs décennies en réalisant des centaines de sondages avec des profondeurs variant entre 50 cm et 1 mètre maximum. À cette profondeur, les sondages sont négatifs, mais en réalité, la plupart de leurs sondages ne sont pas encore arrivés aux couches archéologiques. C'est pourquoi le service des Antiquités a délimité la zone de Saké seulement et a négligé complètement la canalisation fouillée récemment par le SEA, Alex, depuis le Saké jusqu'à la fin de limite du site à l'est. Le deuxième problème est le changement du niveau de l'eau de quelques bassins au lac Mariout. Comme je l'ai déjà mentionné, le niveau du lac est maintenu par le ministère de l'Agriculture par un système de réseau d'eau. Dans le cas du site de Maria, situé dans le bassin de 3000 fadans, le lac qui maintient le niveau du bassin a été élargi en 2007. Malheureusement, ces travaux ont été mal réalisés, ce qui a causé l'inondation complète de ce bassin avec une élévation du niveau d'eau de près de 90 cm. À cause de cette inondation, la plupart des fermes piscicoles du bassin ont été détruites. Si on compare entre les deux prises de vue de Google Earth, une en 2004 avant l'inondation et l'autre après l'inondation en 2009, on aperçoit que le presqu'île de Maria s'est transformé en vraie île après avoir inondé la chaussée qui liait l'île au bord du lac. Cette élévation de niveau d'eau a causé l'inondation des structures archéologiques et l'inondation des fouilles et des sondages dans l'île même. Un essai pour prévoir l'avenir de la région d'étude a été réalisé, basé sur les données digitalisées des différentes utilisations du sol. L'ensemble des utilisations du sol a été réparti en quatre groupes différents. La première concerne les zones non exploitées. La deuxième concerne les zones agricoles. Le troisième lié à la zone eau. Et le dernier groupe est celui des zones construites et industrielles. Si on regarde la situation de la région du lac en 1940, on aperçoit que le groupe des zones non exploitées est à la première position, avec une surface plus de la moitié de la surface totale. En deuxième position, c'est le groupe des zones agricoles, puis en troisième position, celui des zones eau, et en dernière position est celui des zones construites avec seulement 0,5%. En 1970, on aperçoit clairement l'application de la politique agricole dans la région du lac Mariout. Le groupe des zones agricoles est venu en première position avec presque le double de la surface des années 1940. En deuxième position, les zones non exploitées réduites de 40% de sa surface. Puis les zones eau en troisième position et en dernière position, les zones construites avec une surface multipliée 5 fois depuis 1940. En 1990, on aperçoit que la politique a un peu changé dans cette région et s'est montrée vers une politique plus industrialisée. Le groupe des zones agricoles est toujours en première position, avec presque la moitié de la surface totale de la région. Les zones non exploitées en deuxième position, mais sans avoir beaucoup changé au niveau de sa surface. Mais on aperçoit la réduction de la surface de la zone eau par rapport aux autres groupes. Et en dernière position, le groupe des zones construites et industrielles avec une surface doublée par rapport aux années 1970. Dans la dernière série, en 2005, on aperçoit que la surface des zones agricoles n'a pas beaucoup changé depuis les années 90. Le seul groupe qui a vraiment évolué est celui des zones construites et industrielles, qui a doublé sa surface en détriment des deux autres groupes, les zones eau et zones non exploitées. Au moment de ma soutenance de mon magistère en 2011, j'ai fait une prévision de l'état de la région du lac Mariout à partir de ces résultats pour les années 2015 et 2050. Il avait été estimé qu'en 2015, les zones agricoles dépasseraient la surface de la moitié de la région pour la première fois, avec la continuation de la réduction des deux groupes, zone eau et zone non exploitée, au profit du groupe des zones construites et industrielles. Je n'ai pas accès aux données de 2015 pour vérifier ces estimations. En extrapolant ces données en 2050, les zones agricoles couvriront plus de 60% de la surface totale du groupe et le groupe des zones construites sera pour la première fois en deuxième position avec 18% de la surface totale, puis la zone eau en troisième position et finalement les zones non exploitées en dernière position. Au sujet de la planification et les futurs projets dans la région du lac Mariout, après plusieurs recherches, nous avons pu trouver la dernière planification du gouvernorat d'Alexandrie, 2005-2017, réalisée par le ministère de l'Habitat en 1997. Cette planification contient 34 projets, dont 4 projets sont liés directement au lac Mariout. Déclarer le lac Mariout comme zone naturelle protégée, purification et développement du lac Mariout en centre de loisirs et zone de pêche libre, construction de 2 promenades au nord et au sud du lac Mariout et mise en place d'une ceinture verte tout autour du lac Mariout. À noter, jusqu'à ce jour, aucun de ces projets n'a été réalisé. Finalement, recommandation, nous souhaiterions que le Survey of Egypt, qui est le responsable officiel d'édition des cartes en Égypte, mettent à jour les cartes qui concernent la région du lac Mariout, où la dernière édition de cartes date de 25 ans. Nous souhaiterions également que les accès aux différentes données qui concernent le lac Mariout soient facilités au niveau des cartes, des images, des rapports scientifiques, etc. Et nous souhaiterions avoir plus de coopération entre les différentes administrations qui gèrent la région du lac Mariout, comme le gouvernorat, avec les ministères de l'agriculture, l'irrigation, l'environnement et les antiquités, pour mettre une politique générale liée au lac Mariout. Il nous paraît essentiel que des contrôles réguliers soient menés sur les sites enregistrés et que la zone soit prospectée pour repérer les sites non enregistrés avec l'aide des différentes missions égyptiennes ou étrangères. Essayer de mettre le lac Mariout sur la carte touristique de l'Égypte, ce qui aidera à préserver le patrimoine historique et naturel de la région. Finalement, appliquer les projets liés au lac Mariout de la planification du gouvernorat d'Alexandrie. Merci.